panneaux à message variable servent à donner des indications sur les conditions de circulation. Ici, on m'annonce une zone de travaux, mais le texte précise que les travaux se trouvent à 3 km. J'ai encore au moins 2,5 km avant de devoir me préparer pour ces travaux. J'ai donc largement le temps de dépasser en continuant à la même allure. Bien entendu, il peut y avoir un ralentissement lié aux travaux un peu plus loin, mais la circulation est très fluide pour le moment. Les éventuels problèmes viendront plus tard. Réponse B et C.